silencieux, mystérieux qu'il fait noir quand tu pars. Et mon cœur prisonnier de ma douleur. Quelle est cette ombre, ce voile noir qui m'entoure, qui vient troubler impunément mes amours. Et sur ma tête, ces nuages lourds partiront-ils un jour pour toujours? Silencieux, mystérieux qu'il fait noir quand tu pars. Et mon cœur prisonnier de ma douleur. Je crois entendre parfois dans le vent tes mots tendres et les murmures de ta voix si douce me rassurent. Et dans mon corps je sens encore mon cœur battant éternellement. Silencieux, mystérieux qu'il fait noir quand tu pars. Et mon cœur prisonnier de ma douleur. Quand viendras-tu tout ce temps sans toi me tuer? Et toute cette pluie dans le ciel où rien ne luit. Et chaque peur me mène à toi. Je ne sais pas lutter contre ça. Je t'envoie pour toujours tous mes mots.